طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on va commencer, Inch'Allah, sur le livre de la prière. سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد. Dans la prière, on avait commencé la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé lorsque l'auteur a décrit le takbir, de ce qu'on appelle takbirat al-ihram, du commencement de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lever les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar, lorsqu'on commence la prière. De lever les mains, on a dit trois manières sont rapportées dans les deux authentiques, que ce soit certaines manières sont rapportées dans le Bukhari, d'autres dans Muslim. Sauf que les trois manières sont rapportées, de lever les mains pendant qu'on dit Allahu Akbar, ou bien avant, ou bien après. Tout cela est rapporté, et donc on peut faire tantôt de cette manière, et tantôt de cette manière. Ensuite, on avait étudié la question, comment poser les mains, et où poser les mains, lorsque, ensuite, on débute la prière. Après cela, l'auteur dit, ثم قال المصنف رحمه الله, après avoir évoqué les sagesses, premièrement, il a évoqué les sagesses, trois sagesses, il a mentionné, concernant le fait de lever les mains. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains lorsqu'on fait at-takbir, lorsqu'on dit Allahu Akbar et on lève les mains, le pourquoi. Certains savants ont dit qu'il n'y a pas de sagesse connue. Il n'y a pas de sagesse connue. On le fait parce que ça nous est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de cette manière, on adore Allah, azza wa jal. De cette manière, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète levait les mains lorsqu'il faisait at-takbir, que ce soit le takbir de ce qu'on appelle takbirat al-ihram du début, ou bien lorsqu'il faisait takbirat al-intiqal, il disait Allahu Akbar pour passer d'un pilier à un autre pilier. D'autres savants ont évoqué des sagesses, comme c'est rapporté de l'imam Shafi'i. Des gens rapportent à l'époque, lorsque l'imam Shafi'i était arrivé dans leur contrée et il priait, il levait les mains. Et lorsqu'ils lui demandèrent au sujet de la raison pour laquelle il levait les mains, il disait que cela montre la grandeur du Créateur. Pour cela même, Cheikh Ibn Taymiyyah, dans son livre, il a mentionné cette sagesse-là. Elle est mentionnée dans son livre. Et aussi, certains savants ont évoqué parmi les sagesses le fait que lorsque, par exemple, les gens peuvent être derrière et n'entendent pas être takbir, le fait de lever les mains, c'est signe qu'il y a eu takbir, l'imam a dit Allahu Akbar pour ceux, par exemple, qui peuvent être plus loin derrière et qui n'entendent pas le takbir. Ça, c'est des avis, des sagesses qui ont été émises, des hypothèses qui ont été émises par de grands savants qui ont traité cette question-là. Lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, regardez dans son livre, il a évoqué trois hypothèses. Trois sagesses, il dit. Première sagesse, le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième sagesse, le fait que ça montre la grandeur du Créateur. On fait allusion à la ta'zim, la grandeur du Créateur. Et troisième sagesse, il avait évoqué que cela lève le voile qu'il y a entre le serviteur et son Créateur. Ensuite, l'auteur, après qu'il nous ait mentionné l'endroit, là c'est lorsqu'on lève les mains. On avait dit à hauteur des épaules ou bien à hauteur des oreilles. Ensuite, lorsque l'auteur nous a évoqué l'endroit où on pose les mains, ensuite, lorsqu'on pose les paumes, la paume de la main droite sur la main gauche, ensuite, à quel endroit poser les mains, soit ce qui est rapporté sur la poitrine, ou bien en dessous de la poitrine, mais au-dessus du nombril, ou bien en dessous du nombril. Sauf que les savants disent que le plus authentique, ce qui est rapporté dans les récits, c'est sur la poitrine. D'autres, comme on l'a dit en dessous, le nombril, ou bien au-dessus, c'est rapporté. L'un des athars est rapporté du compagnon, le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib. Ensuite, les savants ont dit, sur certaines chaînes de transmission, fi anazar, il y a réflexion à voir, puisqu'il y a faiblesse. Mais, dans tous les cas, ces trois choses-là sont rapportées. Sauf que le plus authentique, c'est, comme on l'avait dit, sur la poitrine, c'est rapporté par Ibn Khuzaima, dans son authentique. Ensuite, quelle est la sagesse? Le fait de poser les mains. Shir Ibn Uthaymeen, de même, a évoqué deux sagesses dans ce qu'il évoque. Al-Hikmatul Ula ta'assibi ar-Rasul sallam. Le fait de suivre le prophète, le fait de poser les mains à cet endroit, quelle est la sagesse de faire de cette manière? La sagesse, premièrement, at-ta'assi, c'est le suivi. Le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, wa hadihi qa'ida. أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتترك ما تركه. Et il dit, ça c'est une règle. C'est une règle très importante. Que le croyant, il fait ce que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait. Et il délaisse. Il délaisse ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a délaissé. سواء فهمت أفهمت علته أم لا. Que tu aies compris la raison ou non. Il y a des choses qu'on fait par adoration du Créateur. Que le prophète Sam nous a enseigné, qu'on connaisse la raison, on ne connaisse pas la raison, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait 7 tours autour de la Kaaba lorsqu'on fait Al-Umra, ou bien on fait Tawaf autour de la Kaaba, pourquoi c'est 7 et pas un autre nombre? Qu'on en ait la connaissance de la sagesse ou non, ici on adore Allah Azzawajal par cela, parce que ça nous a été enseigné par notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même par exemple, dans les prières, pourquoi est-ce que pour le coucher du soleil, on fait 3 raka'at et pour les autres prières du midi ou de l'après-midi, 4 unités de prière? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit de rajouter? Comme cela, il nous a été enseigné. En plus, certains savants ont émis, connaissent ces sagesses, certaines sagesses de cela, mais celui qui n'en a pas la conception, qui n'en a pas la connaissance, c'est par adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une règle pour les croyants, pour les musulmans. هذه القاعدة تقول أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت مؤمن. L'affaire du croyant c'est de faire ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait. Allah dans le Coran nous dit وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que vous a rapporté le prophète, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Traduction approximative du sens du verset. Ce qui est très étonnant, c'est que en notre époque ou bien dans les époques précédentes, beaucoup de musulmans font des choses que le prophète Hassan n'a pas enseignées, font des choses qui ne sont pas rapportées du prophète Hassan ou bien que le prophète a délaissé, et pensent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en désobéissant au prophète Hassan ou bien en faisant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et lorsqu'on leur rappelle qu'on ne peut pas rajouter dans la religion, ou qu'on ne peut pas faire ce que le prophète Hassan n'a pas enseigné, ils vous font culpabiliser. Que c'est un extrême dans la religion, que cette pensée-là, va restreindre le champ d'adoration. Or, déjà, si on fait et on pratique tout ce que le prophète Hassan nous a enseigné, déjà, le croyant, ça va lui prendre énormément de temps, il ne pourra pas tout pratiquer. Déjà de faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Entre les choses obligatoires, entre les prescriptions, entre les prières surrogatoires, les actions surrogatoires, parmi les invocations, parmi les récitations du Coran. Déjà parmi ce qui nous est rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant a du mal à tout pratiquer. Ça va lui prendre vraiment, il devra faire des efforts, être constant pour pratiquer tout cela. Quel est le cas de rajouter des choses que le prophète Sam nous a pas enseignées? Allah Azza wa Jal dans le Coran dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Allah a parachevé cette religion, il l'a complétée. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit j'ai complété pour vous aujourd'hui la religion. Lorsqu'est descendu le verset de sourate Al-Ma'ida wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Traduction approximative, sens du verset. Donc, ni on a le droit de rajouter dans la religion, ni on a le droit de diminuer, d'imputer à la religion. Pourtant, cette règle, beaucoup de musulmans ne la pratiquent pas. De sorte ensuite, beaucoup d'innovations ont émergé dans le monde musulman. Beaucoup d'innovations. À savoir que les savants disent que lorsqu'une bid'a apparaît, ensuite ça éteint une sunna. Et lorsqu'on fait apparaître la sunna, justement, ça fait éteindre al-bid'a. Ça fait éteindre l'innovation. D'autant plus que le prophète, sallam, dans un récit, le prophète, ce qu'il disait souvent, il disait « Wa khairul hadi » هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète disait et toute nouveauté est un égarement, est une innovation. وكل محدثة بدعة et toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et le prophète disait وكل toutes sans exception. Pour ça dans le hadith d'Aïcha من أحدث في أمرنا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ. Celui qui rapporte une nouvelle chose à notre ordre, qui n'en faisait pas partie, cela est à rejeter. Donc, inventer dans la religion, c'est contraire à notre attestation de foi. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Il est le seul être en droit d'être suivi. وَلِهَدَ يَنْبَعِي أن يطلق برأسه قليلا لكن قال العلماء لا يضع ذقنه على صدره وأن لا يخفضه كثيرا حتى يضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين على الصدر بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره. Ensuite l'auteur il nous dit qu'ensuite une fois, on continue donc. Une fois qu'on a bien posé les mains, on a posé les mains sur la poitrine. Donc ensuite, le niveau de la tête, il dit on peut baisser un peu la tête, mais pas que le menton, pas faire toucher et coller le menton à la poitrine. Comme certains font, ça c'est une erreur. Le fait ensuite d'être comme ça et le menton collé à la poitrine. Donc on ne colle pas, une fois qu'on est debout, on ne colle pas le menton à la poitrine, le fait de trop baisser la tête, sauf qu'on baisse un peu la tête sans que le menton touche la poitrine. Comme ici, fait allusion, Cheikh Ibn Thaymin, il dit autrement dit, il ne faut pas trop baisser sa tête au point que le menton, qui est l'endroit où se rejoignent les deux côtés de la mandibule repose sur la poitrine, mais laissez un léger espace entre les deux. Laissez un léger espace entre les deux et pas poser le menton sur la poitrine. وقال بعض العلماء. Ensuite, certains savants ont dit وينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر يمينا ويسارا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ensuite, une fois qu'il baisse un peu la tête sans toutefois que le menton touche la poitrine, de laisser un écart, il fixe l'endroit de la prosternation. Il doit regarder et fixer l'endroit de la prosternation. Et ne pas regarder, il dit. Il ne regarde ni à droite, ni à gauche. Il ne doit pas faire preuve de distraction pendant sa prière. Ni regarde à droite, ni ne regarde à gauche. Les hadiths Ibn Abbas, il dit par rapport à un récit qui nous est rapporté de Abdallah Ibn Abbas, fil Muhadhab أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده وقال في شرحه غريب لا أعرفه وفي معناه أحاديث كلها ضعيفة Pourquoi ? Parce qu'il nous est rapporté un récit, il nous est rapporté un récit d'Abdallah ibn Abbas, qui disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait la prière, il ne regardait pas si ce n'est l'endroit de la prosternation. Il ne regardait pas ailleurs que l'endroit de la prosternation, une traduction approximative. Et dans le commentaire, il est dit « Gharibun la a'rifuhu wa fi ma'nahu ahadithun » كلها ضعيفة. Lorsqu'il dit, le Cheikh dit, وفي المهذب. وفي المهذب, أن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, il est mentionné dans le Muhadhab. D'après Abdallah ibn Abbas. Donc regardez ce qu'il dit. Il dit, dans le Muhadhab, il est mentionné d'après Abdallah ibn Abbas. Que le messager d'Allah, lorsqu'il ouvrait la prière, alors il ne regardait pas ailleurs si ce n'est l'endroit de la prosternation. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par le mot Zab? Sohaib. Le mot Zab. Kitab, c'est un livre de l'imam al-Nawawi. Kitab al-Majmu'a. Kitab al-Majmu'a. Il fait allusion ici à Kitab al-Majmu'a. Kitab al-Majmu'a de Sharh al-Mu'adhab. Sharh al-Mu'adhab. C'est le commentaire, justement. Et c'est un, comme on avait déjà fait allusion à cela, c'est un grand livre, une sorte de grande encyclopédie en différents volumes de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi a rédigé un livre très volumineux en différents volumes, avec de nombreux volumes, hein, très volumineux, dans la jurisprudence. Et vous savez que l'imam al-Nawawi était d'obédience Shafi'i. Mais il évoque les avis des savants. C'est un livre dont les savants ne s'en passent pas. C'est un livre qui est une référence. Donc vous avez vu, l'imam al-Nawawi est connu pour ses écrits comme Al-Arba'in al-Nawawiya, Riyad al-Salihin. Mais en réalité, il a d'autres écrits très célèbre chez les savants, comme Kitab al-Majmu'a. C'est très rare qu'un savant ou un talab al-ilm n'a pas ce livre-là dans sa bibliothèque. Et c'est une référence. Regardez, lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen fait allusion dans son livre à Kitab al-Majmu'a. Kitab al-Majmu'a. Donc, dans la science de la jurisprudence, c'est une référence. Et il y a d'autres livres, attention, hein, d'autres livres de l'imam al-Nawawi dans certains domaines, Ajib, qui sont célèbres et des références, que les savants enseignent. Regardez, on avait fait allusion, regardez, très célèbre, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. On a Riyad al-Salihin, très célèbre. Il y a dans le fiqh, dans la jurisprudence, Kitab al-Mu'adhab, Sharh al-Kitab al-Majmu'a. Ça, qui est un livre dans la jurisprudence très célèbre. On a l'authentique de l'imam Muslim, le commentaire de Muslim, de l'imam al-Nawawi, comme on a déjà fait allusion. On a par exemple, dans la science Fi'im al-Hadith, il y a un livre célèbre dans la science du Hadith, dans ce qu'on appelle al-Mustalah al-Hadith. Il y a un livre très célèbre. Il y a un livre très célèbre qui est étudié par tous les étudiants dans la science du Hadith. Pour comprendre les termes, qu'est-ce qu'un hadith authentique, d'arif, avec les subtilités, les spécificités, filaim al-hadith, c'est un livre qu'on appelle Tadrib al-Rawi. Les talabat al-ilm, lorsqu'ils entendent ce nom, connaissent Tadrib al-Rawi. Tadrib al-Rawi, ça c'est un livre célèbre, filaim al-hadith. Dans les centres d'études, dans les écoles, où on apprend, on fait des études de théologie, où on apprend la science, dans les universités, ou chez les savants, où les gens suivent un cursus, en général, fait Mustalah al-Hadith, ils vont étudier dans le programme, il y a ce livre qu'on appelle Tadrib al-Rawi. Ce livre-là, c'est le commentaire de Kitab al-Taqrib. Donc ce livre-là qui est célèbre, en fait, c'est le commentaire d'un livre qui s'appelle Taqrib. Et ce livre-là, Kitab Taqrib, c'est un livre justement de l'imam al-Nawawi. C'est un livre de l'imam al-Nawawi. C'est pour ça que le livre, on l'appelle Sharh Taqrib l'imam al-Nawawi, qui a été fait par l'imam al-Suyuti. Par l'imam al-Suyuti. Regardez, ça c'est encore un livre de référence qui est l'explication d'un livre de l'imam al-Nawawi. Donc cet homme, c'était un grand homme. Donc, au niveau du savoir, de la science, il a vraiment été au service de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses livres se sont propagés, son savoir s'est propagé jusqu'à aujourd'hui, l'imam Nawawi, un érudit savant. Pourtant, il est mort très jeune, après la quarantaine. Il est mort très jeune. Et lorsqu'il est dit l'imam, c'est pas dans le sens l'imam, celui qui dirige les cinq prières. Lorsqu'on dit l'imam Nawawi, on dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, ou l'imam Malik. C'est-à-dire, ce sont des savants qui ont atteint un degré de ijtihad. C'est au-dessus du savant, du alim. Lorsqu'on dit imam Ahmed, imam Malik, l'imam Shafi'i, c'est pas dans le sens celui qui dirige les prières, l'imam qui dirige les cinq prières. L'imam, c'est au-dessus du savant. C'est un degré où ils ont atteint un niveau d'ijtihad. Un niveau d'ijtihad qu'on appelle l'ijtihad al-mutlaq. D'une manière absolue, ils ont atteint le niveau, ils font des efforts personnels. L'ijtihad. Taïm. Alors regardez, il dit في المؤذب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلى موضع سجوده. Et donc dans son livre, il mentionne ce hadith-là. Ce hadith-là. طيب. وقال في شرحه, mais dans l'explication, il dit غريب لا أعرفه. Il dit que ce récit ne le connaît pas. Qu'il ne le connaît pas. وفي معناه أحاديث. Sauf qu'il y a d'autres récits qui vont dans ce sens-là, mais qui sont faibles. Donc Kitab al-Majmu', il dit qu'il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens, mais qui sont faibles. C'est pour ça que certains savants voient quand même qu'il faille regarder l'endroit de la prosternation par rapport à différents récits qui sont rapportés. Par rapport à différents récits qui sont rapportés, mais ça ne fait pas l'unanimité comme on avait déjà parlé de la question. Il n'y a pas unanimité sur la question. Mais la seule chose qui nous est rapportée par rapport à cela, dans différents récits, ensuite, il y a recherche à faire sur l'authenticité des récits, c'est de regarder l'endroit de la prosternation. Qultu. Et ensuite, Shaykh Ibn Uthaymeen va faire une annotation. Il va faire une annotation. Et dit jeudi. Après qu'il a mentionné ce qu'il a mentionné. Wa fi sahih al-Bukhari min hadith al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala an أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد قد سجد. Et là, il va mentionner, Cheikh, il dit, moi je dis qu'il y a un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari du compagnon Ibn Azib qui dit qu'à l'époque, lorsqu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui-ci levait la tête de l'inclinaison, qamu qiyaman, alors il se levait, regardez, lorsqu'il priait avec le prophète, ça, mais il est rapporté dans le récit, alors lorsque le prophète, farafara ra'sahu min ar-ruku', le prophète levait sa tête de l'inclinaison, qamu qiyaman, eux ils se levaient, aussi, hatta yaraunahu qad sajada, jusqu'à ce qu'ensuite qu'il pouvait voir le prophète Hassan lorsqu'il se prosternait. Il va mentionner sur Ibn al-Thaymin aussi un autre hadith, le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi salat al-kusuf, concernant la prière de l'éclipse. Qalu ya rasulallah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamik thumma ra'aynaka taka'ka'at qala inni uritu al-janna فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. Et là, dans cet autre hadith, on avait même déjà lu ce passage dans le livre. Il est rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre quelque chose dans sa prière. Prendre quelque chose dans sa prière. Thumma ra'aynaka taka'akat. Ensuite, ils disent, on t'a vu debout, debout, ils disent hésitant, avancer puis reculer. Regardez comment ils décrivent, ils disent au messager d'Allah, nous venons de te voir faire le geste d'essayer de saisir quelque chose. Ensuite, de la place où tu étais, puis nous t'avons vu hésitant, avancer puis reculer. Il répondit, le prophète, sallam, il m'a été donné de voir le paradis. Et j'ai voulu attraper une grappe de fruits. Si j'avais réussi à la prendre, vous auriez pu en manger jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à la fin de vos jours. Vous devez vous poser la question, pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen mentionne ces deux récits. Le premier hadith de Ibn Azib, du compagnon, et le deuxième hadith qu'on vient de citer d'Ibn Abbas. Pourquoi Ibn Uthaymeen cite cela? Alors qu'on est en train de parler de l'endroit qu'on doit fixer pendant la prière. Tout simplement, il a dit « Wa idha kana fil masjid al-haram amamahu al-Kaaba fala yanzur ila al-Kaaba innama yanzur ila mawdi' al-sujud. » Pourquoi? Parce que là, il va dire ensuite « Lorsque idha kana fil masjid al-haram, si la personne se trouve à la mosquée sacrée, wa amamahu al-Kaaba, il est à la Mecque, à la mosquée sacrée. Et devant lui, il y a la Kaaba. Fala yanzur lil Kaaba. Est-ce que là, il regarde la Kaaba ou pas? Pendant la prière. Il a la mosquée sacrée, il y a la Kaaba. Est-ce que là, à ce moment-là, pendant la prière, il regarde la Kaaba? Non. Là, il dit, fala yanzur lil Kaaba. Donc, où doit-il regarder? Il dit, il a mandé à Issoudjoud. Il regarde l'endroit où il va se prosterner. L'endroit de la prosternation. Al-Nazar ila al-Kaaba laysa ibada. Laysa ibada. Wa laysa mashru'an fi salah. Wa idha kana l'insanu yuridu an yanzura ilayhi nazaran ta'ammul wa ta'zim, falan tasir al-ibadatu bin nazar, walakin bit ta'ammuli wa ta'zim al-Khaliq azza wa jal. Il dit à la base pourquoi? Regardez la Kaaba, à la base ce n'est pas une adoration. Est-ce que c'est une adoration de regarder la Kaaba? Non. Il dit non. Il dit, walaysa mashru'an fi salah. Et est-ce que pendant la prière c'est légiféré de regarder la Kaaba? Non aussi, il dit. Non. Par contre, il dit, si l'individu par exemple, lui veut regarder la Kaaba, yurid an yanzura ilayha. Ta'ammul wa ta'zim. Il veut nazar ta'ammul wa ta'zim. Il veut regarder la Kaaba, lui, c'est un regard d'observation, méditation, pour réfléchir et méditer sur la grandeur d'Allah, Azza wa Jal. Falan tasir al-ibadatu bin nazar. Il dit, ça ne vient pas une adoration par le simple regard. Ce n'est pas le simple regard qui fera que c'est une adoration. ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. Mais par contre, par l'observation, en méditant sur la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala, ça, cette observation, cette méditation-là, pour réfléchir sur la grandeur du Créateur subhanahu wa ta'ala, ça peut être considéré comme adoration. Pas le simple regard. Pas le simple regard de la Kaaba. ولا يرفع رأسه إلى السماء. ولا يرفع رأسه إلى السماء. Ensuite, l'auteur dit, après qu'il ait dit, lorsqu'on prie dans la mosquée sacrée, on ne doit pas regarder la Kaaba. Mais l'endroit de la prosternation, le fait de regarder la Kaaba n'est pas un acte d'adoration et n'est pas légiféré pour la prière. Si un homme désire la regarder dans le but de méditer et par respect, ce ne sera pas son regard qui sera une adoration, mais sa réflexion et sa révérence pour le Créateur. Ça, c'est ce qu'on vient de lire. Ensuite, Cheikh dit par contre. Donc, après qu'il a enseigné, qu'on regarde l'endroit de la prosternation. L'endroit de la prosternation. Et les hadiths aussi, les deux hadiths qu'il avait cités, il ne les a pas cités en vain. Pourquoi? Parce que certains savants disent dans certaines situations, les fidèles peuvent regarder l'imam. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté les hadiths où les compagnons avaient observé le prophète, sallam. Vous avez vu, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, le prophète, sallam, ensuite repartait en prosternation, il voyait cela du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, après que il est fait allusion à la question de regarder l'endroit de la prosternation pendant la prière, وَلَا يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. Par contre, il ne lève pas la tête vers le ciel. Vers le ciel. لَا حَالَ الدُّعَى فِي الْقُنُوتِ وَلَا حَالَ الرَّفْعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا حَالَ الْجُلُوسِ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ فِي التَّشَهُّدَيْنِ. Ni lorsque il fait le qunut, par exemple, il implore, il fait des invocations. Vous avez vu, lorsque, par exemple, lorsqu'on fait le qunut pendant la prière et ça invoque, on invoque, même à ce moment-là, on ne regarde pas vers le haut. On lève pas la tête vers le ciel. Ou la halal julus, même lorsqu'on est assis entre deux prosternations. Ou bien, lorsqu'on se relève de l'inclinaison. Ou bien, pendant at-tashahud, les deux tashahud. On ne lève pas la tête vers le ciel. Pourquoi? لِأَنَّ رَفْعَ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ مُحَرَّمٌ. Pourquoi? Parce que lever le regard, regarder en haut pendant la prière, c'est interdit. On n'a pas le droit de lever la tête et de regarder vers le ciel pendant la prière. بَلْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ. Mais plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une menace pour ceux qui le font. Pour ceux que pendant la prière qui regardent vers le haut. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari d'après le hadith de Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim wa ishtadda qawluhu fi dhalik hatta qala sallallahu alayhi wa sallam la yantahun ya'ni alladhina yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah wa an dhalika aw la tuhfa ou la tuhtafanna absarahum. وكذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلن ترجع إليهم كما قال في قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا يدل على أن هذا من الأمور المحرمة بل إنه من القواعد المعروفة عند أهل العلم يكون من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. ونحن نشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد نشاهد من الناس من يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لا سيما في الدعاء القنوت وهذا حرام عليهم ولا يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بأن الله تعالى يعمي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم فعلى المؤمن أن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وغيره ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إلا إذا احتاج لذلك لبصاق أو غيره. Voilà, je vous ai lu la partie où Cheikh il va mentionner les hadiths concernant l'interdiction de lever et certaines paroles de savants ou de manière générale paroles des savants sur le fait de lever le regard pendant la prière et de lever la tête. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté des récits concernant cela. Et le prophète, dans le Bukhari, il dit, « Quand sont-ils ces gens à lever leurs yeux vers le ciel pendant leur prière ?» Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il durcit le ton à leur rencontre et dit qu'ils cessent, c'est-à-dire de lever leurs yeux vers le ciel durant la prière, ou ils y perdront la vue. Et Le prophète il a mentionné une autre menace dans certains récits pour ceux qui lèvent le regard pendant la prière, en leur disant que s'ils jetaient leur regard vers le ciel pendant la prière, il ne leur reviendrait pas. C'est-à-dire le regard. Il ne leur reviendrait pas. Et le prophète sallam dit que les gens cessent de jeter leur regard vers le ciel pendant la prière, où il finira par ne pas leur revenir. C'est-à-dire al-basar, le regard. Alors, Cheikh dit, cela prouve que cet acte est interdit. C'est de là que les savants, ils ont déduit que c'est interdit. Et certains mêmes savants ont dit que ça fait partie des péchés capitaux. Que ça fait partie des péchés capitaux, comme on va le mentionner. Et des gens de science estiment que si une personne lève la tête vers le ciel pendant qu'elle prie, sa prière sera nulle, sera batila. Celui qui lève le regard vers le ciel en regardant le ciel pendant sa prière, certains savants estiment que sa prière elle est batila. Il doit la recommencer ou pas? Ils disent oui. Yu'id as-salah. Il doit recommencer sa prière. Il doit recommencer sa prière une nouvelle fois. Regardez ce que Cheikh dit. Il dit ces récits-là qu'on vient de lire. Cela prouve que cet acte est illicite. Plus encore, il fait partie, d'après une règle connue chez les savants, chez les gens de science, des grands péchés. Il fait partie des grands péchés. Pourquoi? Parce que les grands péchés, c'est lorsqu'il y a une menace ou une punition qui est mentionnée. Le péché, il est lié à une menace ou une punition. Ça veut dire qu'il fait, lorsqu'il est dit, celui qui fait telle et telle chose aura telle et telle chose comme punition et châtiment. Cela prouve que l'acte, le péché, ne fait pas partie de Sara'ir, les petits péchés, mais des grands péchés. Parce qu'il est lié, il est annoté à une menace ou une punition, à une sentence ou un châtiment. Par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui prouve que c'est un péché parmi les péchés capitaux. Parmi les péchés capitaux. Cheikh ensuite fait un rappel. C'est pour ça qu'ensuite, il fait un rappel après qu'il ait dit وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي في صلاته فإن صلاته تبطل. C'est pour ça que beaucoup de savants, certains savants, c'est pas à l'unanimité, ont considéré que celui qui le fait, sa prière elle est batila, sa prière elle est nulle. Et doit la recommencer. Il doit la recommencer. ويجب عليه أن يعيدها من جديد. أن يعيدها من جديد. Il dit aujourd'hui, il dit, comme on peut voir aujourd'hui, nous voyons dans la mosquée sacrée, imaginez-vous, il dit à la Mecque. On voit à la Mecque, à la mosquée sacrée, et dans d'autres mosquées, des gens levaient leur regard vers le ciel durant la prière. Durant la prière. Et particulièrement pendant le Qunut. Vous avez vu pendant le Tarawih, pendant le Ramadan, lorsque l'imam il fait les dua, ceux qui se trouvent dans les esplanades ou bien sur le Sadr, en plein air, c'est vrai que souvent, on a tendance à regarder vers le haut et regarder vers le ciel. Et ils disent, cela ne leur est pas permis. Cela est illicite. Notre prophète, ensemble, les a avertis qu'Allah leur fera perdre la vue s'ils le font et s'ils ne cessent pas et qu'elle ne leur reviendra pas. Le croyant, il dit, doit donc cesser de faire ce que le prophète, ensemble, lui a interdit pendant la prière et ailleurs. Ensuite, pour terminer, Cheikh dit « وَلَا يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا » Et le prieur ensuite. Donc, il ne doit pas regarder en haut. Il ne lève pas la tête vers le ciel. Donc, lorsqu'il prie, il ne regarde pas en haut. Il dit aussi « وَلَا يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا » Et ni regarde vers la droite, ni regarde vers la gauche. C'est pas un moment de distraction, la prière. C'est pas un moment de divertissement ou de distraction. Rawa al-Bukhari an Aisha. Pourquoi? Parce que dans un hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari d'après Aisha, qalat, elle dit, j'ai interrogé le prophète al-Samani l'iltifat fi salah concernant le fait de se tourner dans la prière. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytan min salati al-'abd. Et le prophète a dit, en fait, ça c'est un ikhtilas. C'est quelque chose que dérobe le shaytan de la prière du serviteur. Lorsque la personne commence à un peu à se tourner là ou là, c'est Yertelis. Shaitan est en train de dérober de sa prière. Ici, ça a été traduit. J'ai questionné Aïcha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, concernant le fait de tourner la tête pendant la prière. Il me répondit, c'est un larcin de Shaitan commis sur la prière du fidèle. commis sur la prière du fidèle, sauf shirdi. Ensuite, shir fait une annotation. Sauf lorsqu'il y a un besoin. Sauf lorsqu'il y a un besoin. Par exemple, lorsque, par exemple, celui qui doit, par exemple, il n'a pas le choix, il doit cracher. Ni ne crache à sa droite, ni devant lui. Mais du côté, on avait dit, là, il va faire un mouvement. Ou celui, par exemple, qui est touché par un waswas. Et il va yasta'idh billah. Et sur la gauche, là, il va pas non plus, il crache pas. Mais, il souffle. Sur la gauche, là, il y a un besoin. Là, il y a un besoin. Il est touché par un waswas. Il veut écarter le shaitan. À ce moment-là, il y a haja. Il y a un besoin. C'est pour ça que les savants, les mouvements qu'on fait dans la prière, ils varient. Le jugement religieux concernant les mouvements d'après, on en parlera du détail. Il y a des mouvements, comme Cheikh lui-même l'explique dans d'autres cours, il y a des mouvements qui sont obligatoires pendant la prière. Il y a des mouvements qui sont interdits, qui annulent même la prière. Il y a des mouvements, par exemple, qui sont interdits, des mouvements qu'on n'a pas à faire pendant la prière. C'est dû à de la distraction. Il n'y a pas de besoin de faire ces mouvements-là. Juste à l'époque des salafs, le fait de se gratter. N'admettez pas cela. Pendant la prière, si vraiment il n'y a pas pas besoin réellement de cela. Et donc, et certains mouvements, le fait de bouger ou autre, certains mouvements donc sont interdits. Certains mouvements peuvent être obligatoires. Certains mouvements peuvent être recommandés. Certains mouvements peuvent être déconseillés. Et ça, les savants, ils détaillent cette question-là. En ce qui concerne des mouvements autorisés, donc ça rentre autour des cinq al-ahkam shara'iyya. Al-ahkam shara'iyya. Entre l'interdit, obligatoire, le déconseillé, le permis et le surrogatoire. Ou bien le fortement recommandé. Donc les mouvements d'un prière tournent autour de cela. Voilà, on s'arrête là. On se concerne la prière. Ensuite, l'auteur va commencer l'istiftah, l'ouverture de la prière. Ce qu'on dit, les invocations qui sont apportées. Ensuite, une fois qu'on a dit Allahu Akbar, on a commencé la prière. Ensuite, on doit faire, après que l'auteur nous ait enseigné qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder, où doit-on poser le regard, vers où fixer. Alors ensuite, Cheikh va nous parler de Dua al-Istiftah, comment on ouvre la prière. Et donc vous avez vu, avant de réciter le Fatiha, il y a des invocations qui nous sont rapportées du prophète Sam qu'on appelle Dua al-Istiftah. Et là l'auteur, ensuite il va parler de ça, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum. Je pense que c'est bon. Hein.